laboratoire au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Qui sont ces gosses, des enfants abandonnés? Non! Font partie d'une bande d'enfants, exploités par une mégère qui les tient sous sa coupe et les force à mendier. Aux environs du Pont Neuf, il n'y a pas une bonne âme qui refuse de donner quelques centimes à un gosse malingre comme cela pour s'acheter un morceau de pain. C'est le monde. Ouais. Il faut avoir le cœur mauvais comme la chouette pour y avoir pensé. La chouette? Ouais. Elle fournit aussi en filles la plupart des bouches du quartier. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Après les tendresses et les affections partagées par la plupart d'entre nous à l'occasion de Noël et du Nouvel An, je ne déteste pas l'idée d'un contraste un peu fort avec le monde du dénuement et de la misère, non pas du tout pour jouer de la corde trop facile de la mauvaise conscience après le foie gras, mais pour considérer les conséquences sur l'équilibre ou le déséquilibre d'une société de l'idée que se construisent tous ceux qui y trouvent les conditions nécessaires, sinon suffisantes, d'un épanouissement personnel, l'idée qu'ils se construisent du monde de ceux qui survivent dans l'extrême pauvreté, l'extrême déchéance du corps et des âmes. Dominique Khalifa, professeur à la Sorbonne, est mon invité ce matin, parce qu'il publie ces jours-ci un livre intitulé « Les bas-fonds », un titre qui nous transporte d'un coup vers ce que le XIXe siècle en Europe a pu développer d'analyse et de fantasmes autour de la misère absolue. Le sous-titre de l'ouvrage est éclairant, « Histoire d'un imaginaire ». Non pas que cette misère n'ait pas très concrètement entraîné toutes les variations du malheur, de la déchéance, de l'immoralité et du crime, qu'elle n'ait pas créé des mini-sociétés en rupture avec le reste de la collectivité et prêtes aux diverses formes de la révolte. Mais en ce temps-là, comme d'une autre, il s'agit évidemment d'un domaine où les représentations plus ou moins répandues de réalités complexes entre fascination et effroi, compassion et dégoût influencent de plein fouet les affrontements sociaux autant que les compromis entre les classes. Oh, et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule. Il est mort ce matin. Ça fait rudement longtemps qu'on était tous les deux. Moi, j'avais 18 ans. Et lui, dans les 22, il m'a tout fait quitter. Mon père et puis ma mère, c'était pour me faire goûter à toutes les misères. Oh, et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin. C'était un beau salaud, qu'en foutait pas une rame. Pour un verre de Pernod, aurait vendu son âme quand il était bien sous. Il tapait comme une brute, il connaissait de ses coups, on aurait dit de la lutte. Oui, les copains, venez vous rincer la gueule, ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Des fois il me trompait, ces choses-là ça m'écœure, et quand il revenait, il ronflait 24 heures. Pourtant il y avait des jours, ça c'était une merveille, il me parlait d'amour. Quand je rapportais ma paye. Oui, les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule. Il est mort ce matin. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. C'est pourtant pas normal. Rien que de parler de tout ça, j'ai le cœur qui me fait mal. Ça, c'est vraiment marrant. Il y a quelque chose qui cloche. C'est quand j'ai eu 20 ans. Il m'a donné cette broche. Allez les copains, ce soir je suis toute seule. Je reverrai plus sa gueule. Il est mort ce matin. Mmh. Dominique Khalifa, bonjour. Bonjour. C'était Fréhel, la grande Fréhel, qui interprétait la chanson « Ohé les copains » sur des paroles et une musique de Michel Aimer, une chanson de 1939. Je l'ai choisi parce qu'il me semble que nous trouvons là évoqué le monde dont nous allons parler, le monde des bas-fonds, évoqué ou pour le moins reflété, puisque c'est du reflet autant que des réalités que nous allons traiter ce matin. Oui, on est au cœur de la chanson dite réaliste, mais précisément dans sa réalité, elle charrie des tas de représentations, de fantasmes, de nostalgie aussi. Je trouve que c'est magnifique d'entendre Fréhel. La grande 39, c'est déjà une. Elle est loin de sa gloire passée. Elle relie la grande époque de la belle époque. Et c'est amusant le texte. Il est mort. Ça fait. On pense en écho à c'est mon homme, c'est mon mal. Vous savez qu'elle a chanté auparavant. Je voudrais d'abord que nous voyons d'où vient l'expression des bas-fonds, parce que c'est quelque chose qui a existé presque auparavant. Il y avait des morceaux du puzzle, et puis ce puzzle se constitue comme une réalité au 19e siècle seulement. Oui, l'expression apparaît effectivement en 1840. Ce qui est très amusant, c'est qu'on la voit apparaître presque en même temps chez des auteurs de nature très différente. Balzac, un romancier, et puis Constantin Pécœur. Alors, on a complètement oublié Constantin Pécœur, mais... Un socialiste utopique, bien sûr, important. Un important, un chrétien socialiste. Et puis, chez l'auteur Honoré Frégier, l'auteur des classes dangereuses. Des classes dangereuses dans la population des grandes villes et des moyens de les rendre meilleures. Hein, ça, Frégier, je vous l'abandonne. La même année, 40, un romancier, un policier, un réformiste social. C'est intéressant de voir ça. Mais effectivement, vous avez raison, l'assemblage est neuf, mais les morceaux du puzzle sont là de très longue date. Mais c'est quand même important de voir qu'à un moment donné, une société a besoin effectivement d'inventer des termes neufs et un lexique neuf pour renommer des réalités sociales. Et le phénomène est d'autant plus curieux que ce n'est pas une simple réalité française. Au même moment, dans les autres pays, en Angleterre bien sûr, mais aussi dans l'ensemble du monde occidental, on réinvente des termes pour qualifier ces zones de marginalité, de déchéance, de pauvreté. En Espagne et en Italie, on n'invente pas de mots nouveaux puisqu'on adopte l'expression. On traduit, ouais. Hein. Bajos fondos en espagnol, bassi fondi en italien. Avec des références explicites à l'origine française. Alors qu'effectivement, l'Angleterre a plus d'imagination langagière. Ben oui, et puis elle est surtout engagée depuis un petit peu plus longtemps que nous dans le processus de la révolution industrielle, de l'urbanisation, des transformations de ces marges sociales. Alors oui, les Anglais inventent le mot slum, vers au début du 19e siècle, et puis on a surtout le underworld, hein, qui était un mot qui existait en fait en Angleterre de longue date, mais ça ne décrivait que les enfers païens. En fait. Ben Jonson. Voilà, Ben Jonson au 17e. Et le sens social de Underworld, effectivement, c'est un romancier américain. Et puis très vite, ça arrive en Angleterre dans les années 60, 70, 80. Toujours, dans tous les cas, l'idée d'un lieu qui est sous-jacent par rapport au visible, par rapport à la réalité apparente d'une société, avec aussi toujours des acceptions qui relèvent du maritime. C'est le fond où il y a de l'eau qui est pourri, de l'eau qui... En français, la première acception du terme bas-fond est une acception maritime. Ce sont les lieux où il est difficile, mais pas impossible de naviguer, mais en même temps des lieux dangereux. Balzac parle de la caverne sociale, ce qui est caché, tellurique, en profondeur, dissimulé. Et Hugo des mines, des dessous, des deuxièmes, troisièmes dessous. Mais vous avez raison, cette dimension des dessous est fondamentale. Les bas-fonds sont toujours des lieux dessous, des lieux qui s'enfoncent, hein, des lieux qui nous entraînent vers les abysses, les abîmes, vers les profondeurs et les envers du monde social. Avec les trois traits qui, entrelacés, semblent en fait définir les bas-fonds, c'est-à-dire la misère, le vice et le crime. Avec toutes les combinaisons possibles, qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est la misère d'abord, le crime ensuite, le vice après, et puis on peut imaginer toutes les combinaisons possibles en fonction des positions idéologiques ou de positions morales des auteurs. Mais effectivement, on retrouvera toujours dans le français bas-fond cette étrange association de la misère, du crime et du vice, et de cette notion de classe dangereuse ou de classe vicieuse, on parle de ça au 19e siècle également, qui menace de submerger à un moment donné la société. Il ne faut jamais rester franco-français, mais là,

pullulaient autour de lui, et des manchots, et des borgnes, et des lépreux avec leurs plaies, qui, sortant des maisons, qui, des petites rues adjacentes, qui, des soupiraux des caves, hurlant, beuglant, glapissant, tous clopin, clopant, caïn, caa, se ruant vers la lumière, et vautraient dans la fange, comme des limaces après la pluie. Dominique Califat, d'où vient l'expression « cour des miracles » ? Eh bien, du fait que les aveugles, les manchots, les cujats, l'ensemble de ces corps difformes qui mendiaient aux quatre coins de la ville, lorsqu'ils rentraient dans leur logis, dans cette cour, retrouvaient, comme par miracle, la vue, les jambes, les bras, la parole, etc. etc., etc. L'extrait qu'on a entendu est très beau et passionnant à plein d'égards. Les langues, alors on entend de l'italien, de l'espagnol, il y a un hongrois, on voit déjà cette forme d'internationalisation. Et puis cette attention aux difformes, la fange, la saleté, l'animalité, il parle d'araignée, de larves. On a tout cet imaginaire du pullulement bestial, immonde, qui est très représentatif de cet univers des bas-fonds. Et puis il y a la concordance des temps. 1831. Notre-Dame de Paris, Hugo, mais cette vieille tradition de la cour des miracles qui remonte à la fin du Moyen-Âge et puis qui ne cesse pas. Je pense que vous me posez tout à l'heure la question de l'origine, mais on l'emploie encore beaucoup, l'expression cour des miracles. Et j'ai même retrouvé qu'en 1900, dans l'expo parisienne de 1900, on avait reconstitué une cour des miracles, une fausse cour des miracles. Et puis le mot est resté encore très, très présent de nos jours, dans nos imaginaires et dans nos façons de parler. On a la façon de considérer un certain nombre de lieux marginaux par rapport à nos sociétés, non, absolument. Du côté des bidonvilles qui ont existé très tard en France. Au début de mon enseignement à Nanterre, on passait encore devant des bidonvilles. Et puis on pense aux favelas, on pense aux ranchitos du Venezuela. Bien sûr, c'est pas parce qu'on évoque cette question des bas-fonds comme un imaginaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ça ne s'articule pas aussi à des réalités sociales très, très difficiles et qui continuent d'exister. Simplement, la façon de les dire et les façons de les représenter ont changé. Lorsque vous évoquez les favelas ou les bidonvilles contemporains, on n'est plus dans un univers du dessous. Les bidonvilles sont presque horizontaux, hein, ils s'étendent comme ça le long des voies de communication ou sous les ponts des autoroutes ou dans les grandes banlieues. Les favelas, elles, au contraire, montent la plupart du temps sur les collines. Même chose à Caracas, d'ailleurs. Oui, dans beaucoup de pays du tiers-monde, on est autour de Mexico, ce sont les collines. On est, bien sûr, des réalités géographiques et culturelles et chronologiques différentes, mais on est sorti un petit peu dans les constituants de représentation de ce monde, des dessous de la société qui fascinait autant les hommes du 19e siècle. C'est dans la centralité des capitales, d'ailleurs, que absolument. Les choses se passent. Hein, le bas-fond ne peut exister que sous le cœur de la ville. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que par exemple, à Paris, comme dans beaucoup d'autres villes, il était vraiment le dessous de la cité, y compris ses véritables entrailles. Il y a une dimension infernale quand même dans tout ça. On plonge dans les entrailles de la terre. Vulcain, dit Victor Hugo. Qui peuple ces bas-fonds ? Il y a naturellement les pauvres, les vrais pauvres, les faux pauvres. Il y a aussi les voleurs. Il y a aussi les voleurs, il y a aussi les criminels, bien sûr les prostituées. La dimension de l'immoralité ou du vice, et il faut mettre les guillemets là où on les voit, la dimension du vice est tout à fait évidente. On trouve aussi les bohémiens. Et ça, c'est très intéressant parce que si on regarde avec attention les dates d'arrivée des bohémiens en Europe, on s'aperçoit, donc au XIVe siècle, on s'aperçoit que c'est à peu près au même moment où l'ensemble de cet imaginaire de la gueuserie va commencer à se formuler et donc d'une certaine manière à se racialiser. Il y a une dimension raciale qui est assez claire avec une première assimilation des gueux aux bohémiens, y compris dans les langues, hein, puisqu'on va dire que l'argot, la langue des bas-fonds, pour certains, vient du calot. Maxime Ducamp explique cela dans le grand livre sur Paris, la langue des Roms errants. Alors voilà les Roms, justement, bohémiens, Roms, il y a à la fin du 19e siècle, à Paris, dans la zone vers les portes de Levallois, de Montreuil, entre Montrouge et Livry aussi, il y a environ 2000 bohémiens qui campaient. Au pays des gueux, dit un reportage de 1904 ou 1905, avec et Blaise Cendrars, dans L'homme foudroyé, raconte l'élection du roi des bohémiens dans la zone du Kremlin-Bicêtre où il aimait aller se promener, comme beaucoup d'autres auteurs qui étaient fascinés par les sociétés des marges. Roi des bohémiens, ce qui veut dire que cet univers qui est sordide, qui est violent, qui est vu comme vicieux par les autres, est aussi décrit comme une contre-société puissante et hiérarchisée. C'est Tocqueville lui-même qui dit qu'il s'agit d'une petite nation au sein de la grande. Oui, absolument. Il y a cette dimension d'une contre-société organisée qui relève pour partie du fantasme. Non pas qu'il n'y ait pas des bandes, évidemment, et des sociétés. Par exemple, le monde carcéral est une évidente contre-société organisée. On a dans les récits, et de très longue date, hein, depuis le XVIe siècle, l'idée effectivement qu'il formerait soit un contre-royaume, c'est la royauté d'Argot de la Cour des Miracles, soit des classes dangereuses, soit des syndicats du crime. C'est assez amusant de voir d'ailleurs comment, lorsque l'on évolue dans le temps, on s'aperçoit effectivement que le mode d'organisation des bas-fonds copie, retourne, est une inversion en quelque sorte du mode d'organisation de la société d'en haut. En fait, comme si on avait besoin effectivement de projeter dans l'inversion notre système d'organisation. Cette différence, elle se marque aussi dans le langage, avec l'argot. L'argot, bien sûr. Le royaume d'argot, et non pas de royaume... Pas de gueuserie, pas de bas-fonds, pas d'underworld, pas de milieu, rien de toutes ces sociétés sans un langage qui le porte, qui le définit. L'argot, c'est l'idiome et la nation, disait Hugo. C'est à la fois le peuple et sa langue, et les deux sont inséparables. Nous évoquions l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Il y a un immense succès de librairie qui va compter dans cette histoire. C'est évidemment l'œuvre de Gensu, les mystères de Paris, qui oui. vont d'ailleurs contribuer à cette manière de répandre la notion de bas-fond autour de l'Europe et aux États-Unis. Les mystères sont un phénomène véritablement incroyable. C'est un grand succès, effectivement, du roman feuilleton lorsqu'il est publié dans le Journal des débats en 1842-43. Mais, et on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, il y a eu des mystères urbains dans la vingtaine d'années qui ont suivi la publication du Mystère de Paris dans pratiquement toutes les villes du monde. On le savait pour Londres, on le savait pour New York, on le savait pour Berlin, mais on n'avait pas encore pris la mesure réelle de ce phénomène qui est extraordinaire dans toutes les villes des sociétés occidentales, mais aussi d'Amérique latine, d'Asie, des mondes coloniaux, un phénomène de mystères urbains qui est, et là je me fais le porte-parole du travail majeur que ma collègue Marie-Ève Terenti est en train de monter, qui est sans doute le premier phénomène de mondialisation culturelle de cette ampleur en Occident. Écoutez donc un extrait des Mystères de Paris, le film d'André Hunebelle, qui remonte à 1962 à partir de l'œuvre de Gensu, avec Jean Marais dans le personnage central de Rodolphe et Pierre Mondy dans le rôle du chourineur. Chourineur, cela veut dire quoi ? C'est l'homme qui joue du chourin, donc du surin, du couteau. T'es jamais venu dans ce quartier ? Non, il n'y a pas longtemps que je travaille à Paris. T'es un drôle de type, toi. Mais tu me plais parce que t'es courageux. Dis donc, tout à l'heure, devant les Argousins, t'as dû te demander pourquoi j'ai voulu qu'on foute le camp. Bah oui, parce que la brute qui a frappé Fanfan, qui lui avait volé son salaire, elle méritait bien la correction qu'il a reçue. Ah oui? Et à qui veux-tu qu'on explique ça? Personne ne nous croirait. Gibier de potence. Voilà ce que sont les ouvriers. Et celui d'entre nous qui veut lever la tête, il doit veiller à pas se la faire raccourcir. Il vaut mieux aller la tête basse que de la perdre. Hein? Pas vrai? J'ai jamais volé, je te jure. Je suis honnête, mais j'ai le sang vif. Salut le Grèce! Tu vois, ce qui manque le plus au monde, c'est pas l'intelligence et le courage, c'est la bonté. Je crois que pour avoir un peu de bonté devant beaucoup de misère, il faut y être passé, comme nous. Qui sont ces gosses, des enfants abandonnés ? Non, ils font partie d'une bande d'enfants, exploités par une mégère qui les tient sous sa coupe et les force à mendier. Aux environs du Pont Neuf. Y a pas une bonne âme qui refuse de donner quelques centimes à un gosse malingre comme cela pour s'acheter un morceau de pain. C'est le monde. Ouais. Il faut avoir le cœur mauvais comme la chouette pour y avoir pensé. La chouette? Ouais. Elle fournit aussi en filles la plupart des bouches du quartier. En entendant Pierre Mondy et Jean Marais parler de ses enfants perdus, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au film récent Slumdog Millionnaire que nous avons vu il y a quelques années sur ces gamins des bas-fonds indiens. Hein. Et on retrouve exactement les mêmes réalités, à savoir effectivement des adultes qui vont exploiter des enfants pour la mendicité, et souvent de façon terrible. Il y a même des petits roubins parfois dans nos métros. Voilà, hein, on retrouve ça aussi chez nous. Il existe d'autres références. À quoi se réfère souvent le monde du haut qui regarde ce monde du bas, ce sont les références bibliques. Je pense à Babylone et je pense à Sodome et Gomorre. Absolument, mais on reste, le rapport avec Sue est toujours évident, on reste dans l'univers de la ville. On n'a pas dit ça tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le préciser. Il y a des vols, il y a du vice, il y a de l'immoralité, il y a de la misère ailleurs qu'en ville. Sauf que l'univers des bas-fonds et l'ensemble des récits, des représentations et des fantasmes que nous avons autour de ces questions-là ne concernent que la ville. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Il n'y a de bas-fonds et d'underworld qu'urbain parce que, effectivement, tout ceci nous renvoie aussi à une conception de la ville qui, depuis la Bible, est une conception du mal. N'oublions pas que c'est Caïn qui, le frère d'Abel, après l'avoir tué, qui invente la ville pour se cacher. Il y a dans nos sociétés fortement marquées par la Bible et par le christianisme une conception de la ville comme espace du mal qui est particulièrement prégnante chez nous et au XIXe siècle. Alors effectivement, Sodome d'abord, qui va représenter la ville de la luxure, puis Babylone, puis Rome et Londres, le Londres du XIXe siècle, qu'on appelait la Nouvelle Babylone, la Babylone noire, est sans doute un des meilleurs, et New York également, sont des meilleurs représentants de cette conception de la ville comme espace du lait, du mal et de l'immoralité. Il est d'ailleurs remarquable, nous parlons de la Bible, que les protestants, au moment de la réforme, soient revenus sur ce rejet, sur ce refus du mal. Fuyez Lot de Sodome et Gomorre brûlante, n'ensevelissez pas vos âmes innocentes avec ces réprouvés, c'est Agrippa d'Aubigné. Absolument, et vous avez raison d'évoquer la réforme aussi, qui, dans les pays en Angleterre et aux États-Unis, a joué un rôle fondamental dans la dénonciation et la lutte aussi contre ces bas-fonds. On ne comprendrait rien à ce qui se passe à Londres au XIXe siècle ou à New York à la même période sans le rôle des églises, de toutes ces églises, et pas seulement l'armée du salut qui joue un rôle fondamental, dans la stigmatisation de ces quartiers, de ces bas-quartiers, de ces quartiers de honte, de misère, de prostitution et de malheur. Alors je voudrais que nous braquions notre attention, plus encore que devant, sur l'imaginaire de la société en général, et en particulier en regardant quatre scénarios, quatre scripts remarquables, comme vous le dites dans votre livre, Dominique Khalifa, qui organisent le récit des bas-fonds. D'abord, il y a une tendance tout à fait intéressante à la nomenclature. Je veux dire qu'on est obsédé par les listes. Il s'agit d'arriver à définir l'extrême diversité de ceux qui agissent, vivent ou s'agitent dans les bas-fonds. Vous avez vraiment raison de pointer ce phénomène. Parce que, soyons clairs, les bas-fonds comme regroupement de tous ces marginaux est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Il y a malheureusement beaucoup de pauvres, des prostituées, des criminels, toutes les formes de transgression que l'on peut imaginer, mais nulle part, il me semble, sauf peut-être dans des endroits créés de toutes pièces par les pouvoirs publics, comme les hospices, les prisons, nulle part, ces gens ne vivent ensemble en constituant une contre-société comme l'île de New York, qui s'appelle... Oui, ça c'est une affaire extraordinaire. Blackwell's Island, qui, pendant presque un siècle, a vu coexister en plein cœur de la ville un pénitencier, un asile de fous, une maison de retraite, une workhouse, etc., etc. Concentration déterminée par les pouvoirs publics. Absolument. Voulus. Mais d'une certaine manière, ce que Michel Foucault a appelé le grand renfermement et la constitution de l'hôpital général et des lieux comme Bicêtre, par exemple, en France, ont constitué la même réalité, c'est-à-dire mêler en un endroit commun les malades, les paralytiques, les vénériens, les criminels, les condamnés à mort, les forçats, les prostituées, les indigents, les misérables, les bas-fonds. Mais dans tous les cas, il s'agissait effectivement de regroupements presque artificiels, on a envie de dire. Les catégories que vous évoquiez tout à l'heure jouent d'une certaine manière le même rôle. Il s'agit en quelque sorte de faire une grande galerie, au sens naturaliste du terme, une grande galerie de toutes les formes de transgression, de toutes les formes de déviance, de toutes les formes de bas-fonds. On trouve déjà une liste de ce genre à l'époque du procès des coquillards. Bien sûr. En 1455. 62 types de voleurs, crocheteurs, pipeurs, vendangeurs, dégobicheurs, blanc-coulons, etc. Ouais. Et de la même façon, chez Vidocq, le fameux forçat devenu chef de la police, il y a ce genre d'énumération. D'ailleurs, je voudrais, Dominique Khalifa, que vous me disiez en passant ce que cela veut dire. Les chevaliers grimpants. Ah, les chevaliers grimpants, ce sont des voleurs qui parviennent effectivement à rentrer chez les gens par les fenêtres. Un de ceux qui est passé à la postérité, ce sont les tireurs. Encore, ça a été remplacé par l'anglais. On a longtemps utilisé tireurs, ça a été remplacé par l'anglais pickpocket. On a préféré. Les tire-laines. Oui, d'une certaine manière, bien sûr. Les vide-goussets. Les vide-goussets. Et puis celui qui est vraiment passé à la postérité, ce sont les cambrioleurs, qui relèvent du même langage des voleurs. Une cambriole, c'est une petite pièce. Le cambrioleur, c'était celui qui dévalisait la petite pièce. Les Grecs ou Soulas. Ah, les Grecs, si, les Grecs, ce sont les tricheurs au jeu. Un Grec, c'est quelqu'un qui, effectivement, le terme est resté dans le vocabulaire, on va dire, un peu dans le jargon du métier des joueurs. Les Grecs, ne dites pas ça à Bruxelles. Vidocq joue évidemment un rôle majeur dans cet imaginaire des bas-fonds. Écoutez cet extrait de ses mémoires. Ils ont été un très grand succès de librairie. Quelques arrestations non moins importantes intimidèrent un moment les malfaiteurs, mais les découragèrent point. Bientôt, les vols recommencèrent et devinrent plus nombreux qu'auparavant. On n'entendait parler que de maisons dévalisées, de coffres vidés à l'aide de fausses clés. L'audace des voleurs devint telle qu'ils enlevaient jusqu'au réverbère. Chargé de leur donner la chasse, je parvins, en peu de jours, à connaître les lieux où ils se rassemblaient de préférence. C'était aux barrières de la Courtille, du Combat et de Ménilmontant. Là, constamment en force, ils bravaient la gendarmerie, les agents de police et les intimidaient au point qu'aucun n'osait s'y présenter dans la crainte d'être massacré. Je n'hésitais pas à me risquer parmi ces bandits. Les manières et le langage que j'affectais me firent bientôt considérer comme un des leurs. Et ce fut en buvant, en fraternisant avec eux, que j'appris les crimes commis, ceux qui allaient se commettre, les noms des complices et même ceux des femmes avec lesquelles ils avaient de honteuses liaisons. Les renseignements que je recevais me mettaient à portée de faire prendre en flagrant délit une foule d'entre eux et de découvrir leurs relations. La confiance que je leur inspirais était telle que lorsqu'un de leurs camarades était assez heureux pour s'échapper au moment d'une arrestation, il venait m'informer de son changement de domicile, de sorte que j'étais toujours dans les souliers de tout le monde. Je ne sais pas, Dominique Khalifa, si de nos jours, les policiers spécialisés dans l'enquête du côté de ces zones qui peuvent apparaître souvent comme des zones de non-droit, si ces policiers procéderaient de la sorte. On conserve des indicateurs. Je crois que les métiers de police sans indication, c'est difficile à faire. La caractéristique de Vidocq, c'est que ça a été un indice qu'on a institutionnalisé comme dans la fonction, ce qui est un bref moment d'ailleurs, puisque très vite, ça a posé des problèmes. Mais lorsqu'il évoque effectivement ces quartiers où la police ne peut pas rentrer, on s'aperçoit effectivement là aussi des récurrences très fortes qui peuvent exister avec certaines zones effectivement aujourd'hui où la police ne rentre pas. La haine du flic, c'est une expression du 19e siècle, la haine du flic était sans doute ce qui rapprochait le plus les voyous et les escarpes et les apaches du 19e siècle. Elle n'est pas morte. Elle a changé de cible, mais elle n'est pas morte. Et puis il y a un autre scénario, une autre intrigue, comme nous disons en histoire, qui est celle du prince déguisé. Ça, c'est Haroun al-Rachid, qui devient très fameux en Europe avec le succès des Mille et une nuits, traduites par Galland. Oui, absolument. Ben, Haroun al-Rachid s'ennuie le soir, la nuit, donc il descend dans Bagdad en compagnie de son grand vizir pour déguiser, pour tenter de comprendre la ville, de voir ce qui se passe, et puis d'une certaine manière de rendre aussi un peu la justice. Et j'ai utilisé cette expression et cette figure du prince déguisé pour rendre compte de toute cette posture très très productive dans les récits sur les bas-fonds qui consiste effectivement à se déguiser et à plonger, à s'immerger la nuit au cœur des bas-quartiers pour tenter d'une certaine manière de rendre une certaine forme de justice. Alors, c'est le cas de Rodolphe que nous évoquions tout à l'heure, le héros tout-puissant, le justicier tout-puissant des mystères de Paris, qui se déguise en ouvrier pour tenter effectivement d'aller mettre un peu de l'ordre dans les dessous de l'île de la Cité. Mais c'est le cas aussi, par exemple, de tous ces journalistes, et ça c'est une figure extrêmement forte de notre contemporain, de tous ces journalistes qui vont se déguiser et pour tenter, incognito, de partager des expériences. Ça commence très très tôt, ça commence dès les années 1860 avec un journaliste anglais très célèbre à l'époque qui s'appelait James Greenwood, qui passe une nuit dans un asile de pauvres. Qui en fait des colonnes et des colonnes. Absolument. C'est un de cette nuit-là. C'est un grand choc dans l'opinion victorienne. Et puis ça va jusqu'à nos journalistes contemporains. Récemment, l'année dernière, un journaliste a passé 6 mois dans la peau d'un maton. Florence Aubenas qui a... Ouistreham. Bien sûr. Florence Aubenas qui est allée se déguiser en femme de ménage. Voilà, pour connaître de l'intérieur cette... Et d'une certaine manière... via l'écriture, via le reportage, via l'ouvrage, à rendre une certaine forme de vérité et de justice. On reste bien dans cette logique, effectivement, du dévoileur et du dénonciateur de secrets pour la bonne cause. Venons-en à un troisième scénario, si vous voulez bien, après ces listes et ces princes déguisés. Je pense à ce qu'on a appelé assez tôt la tournée des grands-ducs, qui marque très clairement cette fascination pour le monde des bas-fonds. Vous vous rappelez les deux vers de Baudelaire ? Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas vers l'enfer. Beaucoup de bourgeois sont allés. Oui, absolument. La tournée des grands-ducs, c'était cette, ce que les Anglais appellent le slumming, enfin le fashionable slumming, pas philanthropique, mais à descendre, aller s'encanailler pour le plaisir et pour la mode. C'était du mot slum, slumming, ça veut dire aller voir... Aller descendre dans les slums. C'était pour les bourgeois, effectivement, aller passer, aller explorer, sillonner les mauvais lieux, les lieux peuplés d'apaches, les lieux peuplés de pauvres, les cabarets où on pouvait frissonner de danger, les lieux, effectivement, des bas-fonds. Alors, dans la logique des concordances des temps, on est dans un phénomène extrêmement intéressant parce que cette expression, je crois que tout le monde la connaît encore, tournée des grands-ducs, mais elle a complètement changé de signification. Lorsque vous parlez aujourd'hui de faire une tournée des grands-ducs, ça signifie que vous allez aller avec quelques amis dans les cabarets à la mode, dans les grands restaurants, dans les bars un petit peu chic, un petit peu select. Or, c'était exactement le contraire qui se passait à la fin du 19e siècle. La tradition veut que le grand-duc Alexis, en visite à Paris, ait voulu voir de ces lieux malfamés. Russes. Russes, oui. Donc c'était les grands-ducs au moment de l'alliance franco-russe dans les années 90. Il fit la même chose d'ailleurs à New York pour voir les bas-fonds de Five Points à New York. Et donc on descendait, souvent guidé par un policier ou un cornac ou un pisteur, comme on disait, on descendait dans le cœur de Paris la plupart du temps, autour des Halles, pour voir des asiles de pauvres, pour voir des bals d'apaches, des cabarets malfamés, comme le célèbre... Perlunette ou le cabaret. Rue Galande. Absolument. Place Maubert, un des pires bas-fonds de Paris, jusque dans les années 20. Oui, il y a tout un district de Paris qui va de la place Maubert, effectivement, l'actuel boulevard Saint-Germain, avec la rue des Anglais, ouais. La rue Frédéric Sauton, la rue de Bièvre. Absolument. Bien avant que François Mitterrand décide d'y habiter, ça va jusqu'à Saint-Méry, de l'autre côté. Voilà, ça passe la Seine et ça va à Saint-Méry-Beaubourg. Et puis l'autre point du triangle, c'est les Halles. On est dans un petit périmètre, les Halles, Beaubourg, Maubert contre Escarpe. Cette tournée des grands-ducs, en fait, aimablement, vous parlez de concordance des temps. Je suis surtout frappé par la discordance, étant donné l'évolution du mot. Je voudrais vous faire écouter un témoignage, qui est celui d'un personnage intéressant, qui était le docteur Edmond Locard, qui était à la fois docteur et policier, c'est un cas assez rare, et qui était le disciple d'Alexandre Lacassagne, le fameux criminologue. Locard raconte, c'est un entretien recueilli par André Mur en avril 1961, raconte ses souvenirs des tournées des grands-ducs. J'ai eu de très bons amis dans le milieu et pendant très longtemps, je suis resté en relation avec eux. Voyez-vous, le milieu est composé de braves gens qui font un métier un peu différent de celui que les bourgeois choisissent pour leur fils. Polytechnique ne prépare pas au milieu, je le sais bien, c'est dommage, parce qu'alors on aurait vraiment un milieu tout à fait luisant. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est que de temps en temps, les gens de la meilleure société vont se mêler à ce qu'on appelait dans ce temps-là les apaches, ce qu'on appelle depuis les mauvais garçons, et les gens tiennent à connaître de près le milieu. Et alors, ça a été autrefois la tournée des grands-ducs. La tournée des grands-ducs, je l'ai pratiquée un peu partout sur la vaste terre, en Europe et en Amérique, et j'en ai des souvenirs excellents. À Lyon, nous avions, pour la tournée des grands-ducs, un endroit parfait. C'était une sorte de cabaret dans lequel il n'y avait absolument que des criminels. Jamais un homme sans casier judiciaire, à part moi cependant, n'y a pu y pénétrer. Et on y menait des gens intéressants, des policiers, des gens instruits, des magistrats, des gens curieux de la vie criminelle. Et ce milieu-là était extrêmement accueillant et n'a jamais, jamais protesté contre les visites à condition qu'on ne voulût pas se déguiser. Je pourrais citer le fils d'un membre de l'Institut qui, ayant voulu participer à une de ses tournées, est arrivé déguisé en apache de café-concert et a failli nous faire massacrer. Il a fallu renverser les tables et sortir les lingues et les rigolos. Mais d'habitude, il n'y avait pas d'extrémité de ce genre. Il faut dire que pour les gens du milieu, les visiteurs se divisent en trois catégories. Il y a les pentes, c'est-à-dire tout le monde, il y a la haute, c'est-à-dire les gens de l'aristocratie, et puis il y a l'auguste. Je n'ai accompagné qu'une fois des personnes appartenant à l'auguste, et ce n'est même pas un très bon souvenir. Un jour, j'accompagnais dans le café en question, dans l'établissement en question, un très distingué personnage qui était mon confrère, le professeur Reiss de Lausanne, qui est un des plus grands criminologistes qui ait jamais existé. Reiss avait amené avec lui une douzaine de ses élèves et il m'avait dit « Tâche donc de nous trouver un endroit curieux où on voit vraiment des criminels parce qu'à Lausanne, nous n'en avons pas et je n'ai rien à montrer à mes élèves. » Je le mène donc aux Folies Gauloises qui était tout près de l'endroit où je parle en ce moment. Ça ne fonctionne plus depuis des années. Et nous entrons et nous sommes accueillis par un cambrioleur de mes amis qui s'appelait Bébert. Bébert, en me voyant entrer, me dit « Oh, que je suis content de vous voir, j'ai justement ma femme qui a envie de danser avec vous. » La femme en question avait quelques inconvénients, elle n'avait pas le cheveu, ça m'est égal pour ce que je voulais en faire, mais elle n'avait pas de dents, ça c'est ennuyeux pour les conversations de très près. Alors je dis « Mon pauvre Bébert, je suis navré, mais j'ai manqué le pied, comme on dit à Marseille, en entrant dans la salle, je suis incapable de danser. » « Excusez-moi, et venez, je vous en prie, prendre avec nous à notre table le vin chaud de l'amitié. » Je vous voyais sourire, Dominique Khalifa. Vous le connaissiez, ce professeur, enfin ce docteur Edmond Locard, mais vous ne le saviez pas si spirituel. Non, puis merci, parce que c'est la première fois que j'entends sa voix, et c'est assez émouvant. Je vous en prie. Locard, c'est un personnage tout à fait important de l'entre-deux-guerres, à la fois médecin, policier, un des promoteurs de la police scientifique et technique en France, et puis c'est aussi un grand conteur, par ailleurs, et on s'en rend compte en écoutant. Entre le professeur suisse et Bébert. Et il a écrit notamment des contes apaches et beaucoup d'histoires. Merci encore, parce que j'ignorais également l'existence de cette tournée des Grands Ducs lyonnaises, donc là je suis comblé. Les contes apaches, justement, on est frappé du fait que dans cette fin du 19e et au début du 20e, il y a des assimilations avec les Indiens, grâce aussi à l'influence durable de Fenimore Cooper, ouais. Le dernier des Mohicans. Alors il y a les Mohicans, les Apaches. On trouve les mêmes phénomènes dans d'autres pays. Les Anglais, par exemple, vont dénommer leurs jeunes délinquants des Thugs, hein, du nom des étrangleurs de Cali. Le phénomène qu'il y a derrière ça, bien sûr, outre Fenimore Cooper et l'intérêt pour l'Ouest américain, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette mondialisation, cette ouverture des empires. Et en fait, on va découvrir les bas-fonds des grandes villes comme on découvre l'intérieur des continents inexplorés, avec une association qui est évidente entre l'explorateur des bas-fonds et l'explorateur colonial, entre le cœur des mondes sauvages de l'extérieur et les dessous des mondes sauvages de nos sociétés. Le général Beauce, le créateur de l'Armée du Salut, publie son grand ouvrage sur le Dark Continent, le Londres noir. Quelle date? C'est en 91 ou 92, 1892. Il le fait en écho évident et explicite au célèbre journaliste Stanley, qui venait de publier la même année son Dark Continent. Donc l'idée, effectivement, que l'on s'enfonce dans ces zones comme l'explorateur s'enfonce dans l'intérieur des continents sauvages, et là aussi il faut rajouter les guillemets, c'est quelque chose de tout à fait manifeste. Les Américains, par exemple, vont appeler les jeunes enfants des rues des street Arabs. On a cette dénomination, effectivement, qu'on va chercher dans les mondes coloniaux. Alors regardons un peu plus près, justement, les ressorts de cette fascination à l'égard des bas-fonds, des ressorts qui sont plus lisibles à mesure que le 19e siècle avance. Il y a la volonté, l'espoir de normaliser la société et puis de dénoncer les plaies sociales. Il faut insister sur la dénonciation. Les philanthropes, les journalistes, bien sûr, on peut toujours trouver les profits et les gains personnels que tout un chacun a à jouer cette carte-là. Mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se sont lancés dans ces aventures l'ont fait aussi avec des intentions vraiment d'aide et de dénonciation. C'est le cas aussi des journalistes. Il y a eu véritablement, dans tous ces travaux, le souci de mettre au jour des réalités perçues, pensées comme insoutenables. Le romantisme se pose peu à peu en conscience du siècle. Absolument. Et le journalisme qui va récupérer ça, effectivement, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, est fondamental. On ne peut pas oublier cette grande formule d'Albert Londres, qui a été lui aussi un sillonneur de bas-fonds dans les asiles de fous, à Cayenne, à Biribi, à Marseille et ailleurs, que la mission du reporter, c'était de tremper la plume dans la plaie. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Vous évoquez le besoin de normalisation, c'est vrai aussi. On disait tout à l'heure Comment se fait-il que la société du dessous soit toujours représentée comme l'envers de la société du dessus? Eh bien, sans doute avons-nous besoin de cela. Sans doute avons-nous besoin, pour consolider notre monde, d'en percevoir les limites, d'en percevoir les frontières, d'en percevoir les écarts, d'en percevoir l'envers. L'envers est aussi ce qui nous permet de donner de l'identité à ce que nous sommes, ce que nous voulons, à nos normes et à nos modes de vie. En somme, édifier les bas-fonds en épouvantail, si je vous comprends bien, c'est un moyen de décriminaliser et d'intégrer la plus grande partie des classes populaires. D'une certaine manière, absolument. Je crois qu'un des points, on n'y a peut-être pas suffisamment insisté, disons-le maintenant, un des points majeurs dans cet univers des bas-fonds, c'est de penser les classes populaires, de penser le monde ouvrier, de penser le monde du travail comme un monde fondamentalement dangereux. Ce sont les célèbres classes laborieuses, classes dangereuses de Louis Chevalier. L'historien Louis Chevalier. Louis Chevalier. Et le cœur de ce moment bas-fond, c'est le moment effectivement où on va penser les marges sociales comme des mondes dangereux. Et effectivement, l'évolution de la fin du 19e siècle et plus encore du 20e siècle, avec une démocratisation qui avance, trop lentement peut-être, mais qui avance quand même, avec des lois sociales qui avancent, avec un état-providence qui va peu à peu se créer, a pour effet, avec le désir aussi d'intégrer de plus en plus, de clarifier les marges sociales, a pour effet de décriminaliser les classes populaires. Parce qu'en fait, l'alcoolisme, les transgressions sociales sont plus des symptômes que des causes désormais. Absolument. Ça, on le sait depuis la grande enquête de Booth, non pas le général Booth, mais Charles Booth, le sociologue britannique, qui fait une grande enquête à la fin du 19e siècle dans les quartiers de Londres pour montrer que ce que nous prenions pour les traits majeurs de ces classes dangereuses, à savoir le crime, le vice, la prostitution, l'alcoolique, ne sont que des symptômes d'autre chose. Et du coup, les bas-fonds sont plus une honte qu'un danger pour beaucoup de contemporains. Oui, et l'association entre misère, crime, classe populaire va progressivement, non pas disparaître, car on sait qu'il est encore parmi nous, il rôde encore parmi nous dans les représentations et dans certains discours que nous avons sur les pauvres ou sur les déviants. Mais cet assemblage-là va progressivement, au cours du XXe siècle, commencer à se dénouer au profit d'autres réalités, d'autres noms d'ailleurs, d'autres désignations vont apparaître qui nous montrent d'une certaine manière que ce monde des bas-fonds est vraiment lié à ce que j'appelle le grand XIXe siècle, c'est-à-dire, pour aller vite, les années 1820, 1830, 1930, ce siècle un peu à cheval qui nous mène jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans ma conception de la chose, les bas-fonds tels que le 19e siècle les a construits se délitent progressivement autour de la Seconde Guerre mondiale. Alors il reste des pauvres, il reste des criminels, il reste des prostituées, il reste effectivement des bas-quartiers, peut-être davantage ou plus insupportables que jamais, mais on ne va plus véritablement les qualifier avec les mêmes mots. Sauf peut-être dans certains retours ou dans certaines résurgences, j'évoque cette notion de underclass que des sociologues américains dans les années 70-80, et ça continue encore aujourd'hui, que des sociologues britanniques, Charles Murray notamment, ont développé dans les 20 dernières années. Et lorsque ces journalistes, ces sociologues ont parlé de underclass, ils l'ont fait exactement dans les mêmes perspectives que lorsque leurs ancêtres victoriens parlaient de l'underworld, c'est-à-dire un monde où se mêle l'immoralité, les naissances illégitimes, l'alcoolisme, le refus du travail, pour stigmatiser de nouvelles classes dangereuses. En dépit d'une évolution générale et de fond qui contribue à décriminaliser les très pauvres. Oui. Vous voyez néanmoins un retour de cette tentation. Ce que j'évoque dans le livre, c'est que cet imaginaire des bas-fonds s'est progressivement délié, mais qu'il reste comme en embuscade autour de nous, prêt à être réactivé dans des contextes économiques, idéologiques, politiques, qui peuvent favorablement faire ressurgir, comme d'ailleurs l'underclass américaine a ressurgi des cendres de l'underworld du 19e siècle. Est-ce que des éléments de cette attitude seraient la permanence de ce qu'on peut appeler un désir de bas-fond ? Je citais Baudelaire tout à l'heure. À la fin du 19e siècle, on voit dans ces tournées des grands-ducs en particulier des dimensions qui sont érotiques, évidemment, les bas-fonds des pays notamment coloniaux, mais au-delà de la sexualité, une sensation forte, brutale, excessive que peut apporter l'expérience de ces visites. Besoin de se tremper dans quelque chose de particulièrement brutal, de particulièrement... C'est Dorian Gray. C'est vrai chez les écrivains, bien sûr. Hein, le Dorian Gray d'Oscar Wilde va finalement, pour essayer de dépasser cette répulsion qu'il a à lui-même, s'enfoncer au plus loin possible dans le dégoût de lui-même, mais aussi dans le dégoût social, en sillonnant les bas-fonds de Londres. Mais la dimension orientale que vous évoquez ne peut pas, et la dimension sexuelle de ces bas-fonds ne peut pas nous faire oublier non plus le caractère, par exemple, de ce qui, dans le tourisme sexuel contemporain, dans les voyages de certains, effectivement, vers des bas quartiers sociaux d'autres continents, continue d'une certaine manière de nous fasciner. Il y a un téléphérique à Rio qui permet, sans prendre de risque, de passer au-dessus d'une des plus grandes favelas de la ville pour la voir en touriste. Là, on est vraiment dans la continuité. On est vraiment dans la continuité. À propos des fascinations coloniales, je vais vous faire écouter un propos de Joseph Kessel sur les bas-fonds de Beyrouth, qu'il avait visité en 1927. Il s'exprime en 1956, c'est un extrait qui est repris dans l'émission Daniel Mermet, « Là-bas, si j'y suis », en 1991. En un mot, c'était tout ce qu'on peut trouver de louche, de douteux et aussi de purement oriental. Il y avait là des fumeurs de haschich recroquevillés dans des niches plus sales et plus étroites que des niches à chiens et qui étaient plongés dans leurs rêves toxiques. Il y avait un café où des hommes immobiles fumaient le narguilé et dont mon guide, l'inspecteur principal, me disait, cela je ne peux pas les arrêter parce que je n'ai pas de preuves contre eux, mais c'est là que les politiciens syriens ou les riches marchands viennent recruter des assassins. C'était vraiment la caverne d'Ali Baba et de ses 40 voleurs. Et puis il y avait des maisons de prostitution et puis des maisons de jeu et tout ça sous la terre, dans des alvéoles puantes mais pleines de couleurs, où les femmes se disputaient, où il y avait des rixes sans arrêt. Et cette rafle n'a pas donné grand-chose parce qu'on n'avait pas pu prendre les gens sur le fait. Seul, un voleur a été arrêté, qui était d'ailleurs un grand ami de l'inspecteur de police, parce qu'il se voyait tous les ans en prison, c'est-à-dire que... L'un mettant l'autre en prison. L'un mettant l'autre en prison. Et quand nous sommes remontés de là, au bout de 3 heures, j'avais l'impression d'avoir vécu un rêve qui m'avait replongé dans les siècles passés, dans cet Orient vraiment mystérieux. Et la sortie de cet extraordinaire empire donnait sur un jardin avec un jet d'eau et avec un merveilleux cyprès au clair de lune, derrière lequel une femme chantait doucement. Même Joseph Kessel, Dominique Khalifa, ne résiste pas à la tentation de la carte postale pour finir. Grand raconteur des bas-fonds, hein, Kessel, qu'il visite à Paris, Montmartre, en Irlande et à Beyrouth. Alors je ne connaissais pas ces Beyrouth-là, mais c'est très intéressant parce que ça nous montre aussi l'ouverture impériale. On est dans les années 30, effectivement, la France, comme les autres pays, vivent une aventure impériale et les bas-fonds coloniaux sont quelque chose de fondamental. On ne comprendrait rien, par exemple, aux bas-fonds français sans avoir Alger et la Casbah. Les représentations que nous en avons eues, ou Shanghai, Manille et Buenos Aires, bien sûr. Avec le tourisme sexuel avec en Algérie, voyez André Gide et quelques autres. Absolument. Et puis ce développement international de ces deux données nouvelles que sont la traite des blanches d'un pays à l'autre et le trafic des stupéfiants. Voilà, ça commence au début du XXe siècle. Ce sont vraiment deux réalités fortes qui commencent dans les années 1910, mais qui se développent fondamentalement durant la période d'entre-deux-guerres et qui vont avoir pour conséquence d'enrichir fortement la société délinquante. Je m'intéresse au mot, vous savez, bas-fond, c'est un mot. Et si on regarde comment on va dénommer à partir de 1920-30 le monde criminel français, j'allais dire le milieu criminel, on va justement utiliser cette expression de milieu. Mais d'où vient-elle, cette expression? Alors, on ne sait pas, enfin, on sait que c'est une pièce de Francis Carco qui l'utilise dans les années 20, mais j'aime assez l'idée, vous voyez, cette société criminelle qui était la société des bas-fonds, du dessous, qui était la société de la caverne sociale, de on la fange. On en sort. Elle est en train de s'extraire, de s'élever, non pas encore vers le haut, mais au moins vers le milieu de la société. Et ça, c'est un élément aussi qui est très constitutif de cet épuisement des bas-fonds que nous évoquions tout à l'heure. Vers le milieu et parfois jusqu'à flirter avec le haut. Ah bah oui, le cas des grands criminels marseillais Carbone et Spirito qui vont quand même avoir des liens forts avec la municipalité de Marseille ou aux États-Unis, les liens entre les grands de la mafia, les municipalités, les hommes politiques. Oui, effectivement, on a cette élévation en quelque sorte, pour rester dans les métaphores, cette élévation progressive des bas-fonds criminels. À telle enseigne que, obligatoirement, l'imaginaire romantique des bas-fonds est voué à se dissoudre peu à peu. Écoutez ce que dit Blaise Sandra à ce propos. « Aujourd'hui, ce romantisme est bien suranné. Aux bandes de malandrins en casquette, aux terreurs de quartier, aux apaches armés d'un surin, ont succédé les bandes de gangsters en chapeau gris, les hommes de main en smoking, les chevaliers du chloroforme, de la seringue, les rats d'hôtel et la dernière génération des danseurs mondains qui vont tête nue, les cheveux gominés. Tout ce monde plastronne dans les boîtes à la mode et habite officiellement dans les grands hôtels où il se mêle depuis la guerre aux gens du monde et aux riches étrangers, etc. etc. » Les bas-fonds sont morts. Ils se déplacent, ou ils se déplacent vers d'autres mondes, vers d'autres sociétés. Ils se déplacent aussi, j'ai été frappé par ce phénomène, vers des ailleurs spatio-temporels. On voit des bas-fonds dans les films de science-fiction, dans les jeux vidéo, dans les bandes dessinées, voire dans ce que, depuis une vingtaine d'années, on appelle l'imaginaire steampunk, c'est-à-dire construire des intrigues contemporaines et aller les replacer dans le Londres victorien ou dans le Paris du 19e siècle. C'est une tentation toute naturelle, les séries américaines et surtout anglaises. Du rétro-futurisme, dit-on. Le rétro-futurisme. On va peut-être retrouver Aristide Bruant, qui chantait les bas-fonds et qui se trouverait dépaysé aujourd'hui. Concordance des temps, discordance des temps. Merci beaucoup, Dominique Khalifa, de nous avoir permis d'éclairer tout cela. Votre livre, je le rappelle, s'intitule « Les bas-fonds, histoire d'un imaginaire ». Il paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil. Votre livre précédent, important aussi, et qui ne nous éloigne pas absolument de ce monde, était consacré aux bagnes coloniaux, sous le titre de Biribi, paru chez Perrin en 2009, les bagnes coloniaux de l'armée française. Et puis, il faut rendre hommage à Alain Corbin, qui est votre maître, vous lui dédiez d'ailleurs votre livre. Alain Corbin qui a ouvert la voie de cette histoire des sensibilités et des imaginaires. Je citerai parmi d'autres ouvrages de lui le Miasme et la Jonquille qui parle de ces odeurs. Nous n'avons peut-être pas beaucoup parlé des odeurs. Oui, on n'a pas assez parlé de cette odeur de fange, d'excréments, de saleté qui caractérise fondamentalement cet univers du bas-fond. D'ailleurs, d'autres ouvrages d'Alain Corbin, en particulier ses travaux sur le monde des prostituées, les filles de noces, oui, ne nous éloignent pas tellement de cet univers où la prostitution a peut-être plus d'importance que nous ne l'avons dit. Absolument. Oui, la sexualité ne s'y exprime nécessairement que sur le mode de la transgression, en tout cas de la transgression vue par la norme. Et donc, effectivement, c'est la chair des bas-fonds. C'est le type même, effectivement, de sexualité pensée comme transgressive qui colle à absolument toutes les représentations des bas-fonds. D'ailleurs, le lien entre prostitution, saleté, puanteur est très très net. Corbin le montrait bien en nous montrant qu'initialement, celle qu'on appelait la putain, c'était celle qui puait. Et on est effectivement dans cet univers que Bakhtine appelait les valeurs du bas corporel, c'est-à-dire le monde de la saleté, le monde de l'excrément, le monde du sexe corrompu, le monde de la chair gâtée, le monde des miasmes, de l'infection et de la maladie également, dont l'issue ne peut être que la mort. Généralement, la vie des hommes et des femmes de bas-fonds se termine, je plagie un texte de Louise Michel que j'aime bien, dans la fosse commune, vous voyez la fosse commune, un dernier bas-fond. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores utilisés et qu'ils peuvent s'abonner à nos podcasts, comme on ne devrait pas dire. Ils peuvent recevoir automatiquement, s'ils le souhaitent, ces émissions et par conséquent les réécouter indéfiniment jusqu'à plus soif, mais y a-t-il jamais plus soif, pendant très longtemps. Samedi prochain, nous parlerons, ne sera pas beaucoup plus gai qu'aujourd'hui, nous parlerons du viol. L'actualité a remis ce crime au devant de l'attention publique. Le viol, histoire d'un crime, avec Georges Vigarello. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, réalisée par Patrick Molinier, avec Ariane Herbet à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Catherine Louis et Véronique de Saint-Pastou pour les archives INA. Dans quelques instants, vous allez avoir le plaisir de retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question.